Chapitre deuxième. Et cependant mes jours passent. Martial lisait la dernière ligne de la confession de Godfrey, tandis que l'aube d'un jour d'été donnait sur sa figure et que le frais souffle de la brise du matin passait à travers sa fenêtre ouverte. Pendant ce triste récit d'une vie flétrie, nulle de ses larmes n'était tombée sur les pages, mais la dernière, seulement la dernière, ses yeux s'obscurcirent et deux grosses larmes coulèrent doucement sur ses joues et tombèrent sur le passage où le voyageur promettait de toujours penser à elle et de prier pour elle. Et dès ce moment, tout fut fini. Le couronnement de sa vie fut achevé en même temps que l'histoire de Godfrey Pierrepoint. Désormais, il serait un voyageur errant sur la terre et elle ne pourrait même pas connaître les lieux où il porterait ses pas. Il mourrait seul et sans amis. Il n'avait aucun espoir de connaître ni l'endroit ni le genre de sa mort. Pendant qu'elle se l'imaginerait oppressée par le vent suffocant du désert, il pouvait être gelé dans les épouvantables solitudes du pôle arctique. Pendant qu'elle pensera à lui comme à une personne vivante, il pouvait être tombé mort dans les sentiers non frayés de quelque forêt tropicale où d'ignobles animaux mangeaient son cœur à belles dents. Elle ne le reverra jamais plus. Tandis qu'il restait éveillé au grand soleil du matin, ses lèvres répétaient cette cruelle phrase « Jamais plus, jamais plus ». Sa vie, qui s'était transformée en une nouvelle vie par son affection, retomba dans son ancien ennuyeux cours, et la magique influence de son amour, qui avait illuminé les choses les plus communes d'un éclat radieux, s'était évanouie et laissait toute chose sur terre plus abrupte et plus terne qu'elle ne lui avait jamais paru. Pendant quelque temps, elle pensa à sa perte et à son chagrin avec un profond désespoir. Il lui semblait qu'entre elle et Godfrey, il y avait un lien qui était quelque chose de plus que celui d'une mutuelle affection venant de leur cœur seul. Sa foi instinctive en lui, son tendre respect pour lui, semblait appartenir à quelque chose de plus grand et de plus sain que les émotions journalières de cette terre. Elle s'était permis de penser que le ciel l'avait destinée à être la compagne et la consolatrice de cet homme, et que l'attraction qui l'attirait vers lui était un instinct implanté dans son sein par son Créateur. Et une fois qu'elle eut admis cette pensée, cette folle imagination avait absorbé son esprit, car il est bien doux de croire que notre bonheur est une joie prédestinée, que nous devons recevoir avec une reconnaissance sans borne. Et après avoir nourri cette délicieuse idée, le chagrin d'une irrévocable séparation était bien amer. Une veuve pleurant la perte de son mari pouvait à peine endurer une douleur plus poignante que celle qui inclinait la tête de Marcia pendant les longues journées qui emportaient Godfrey loin d'elle et qui lui paraissaient à lui si fatigantes et si ennuyeuses. Mais elle supportait son chagrin avec un humble héroïsme qui était un attribut de son caractère. Elle avait été si habituée à être affligée et à garder le secret de ses peines. Même ceux qui la connaissaient le plus n'avaient aucun soupçon de la vérité. Sœur Gaspard rejetait le fardeau de son anxiété paternelle sur son médecin. Aussi froidement qu'il envoyait ses lettres d'affaires à son avoué pour qu'il y répondît. « Ma fille n'est plus elle-même, monsieur Radmond, disait-il au respectable médecin de la famille qui avait inspecté la langue du baronnet avec la même gravité lugubre et avec le même petit soupir plaintif, tâtait le pouls du baronnet trois fois par semaine pendant les 12 derniers mois. Et réellement, je dois vous demander de tâcher de voir ce qu'elle devient à la première occasion. Elle est aussi grise et aussi crayeuse qu'un portrait de troisième ordre à l'Académie royale. Ne pouvez-vous pas lui donner un peu de ton, quelques jolis jaunes, non, des toniques, voulais-je dire. » Le médecin secoua la tête. « Il y a un manque de ton, sœur Gaspard, murmura-t-il, un évident manque de ton. »« Incontestablement, cela existe, répondit le baronnet d'une manière bourrue. Je puis voir cela aussi bien que vous. Et il y a d'ordinaire beaucoup de sentiments dans les gris perles froids comme les siens. Elle ne se plaint pas. Elle est très attentive pour moi. Elle me lit et me chante. Mais il y a un manque de fermeté dans ses notes hautes, que je n'aime pas du tout. Et enfin, si vous ne pouvez pas la remettre en bon état, je vais l'emmener à Londres pour que là, quelqu'un la rétablisse. » Le médecin faisait de son mieux et Martial lui obéissait avec autant de soumission qu'un enfant. Il dit à Mademoiselle Denison que son père avait manifesté beaucoup d'inquiétude sur sa mine altérée, et cela eut de l'influence sur elle. Elle sentit un faible frémissement de plaisir à la pensée que son père s'occupait un peu d'elle. Peut-être, après tout, assez pour être tourmentée quand elle était malade et désireux qu'elle recouvrât la santé. Après cette petite entrevue avec le médecin, elle fit un sublime effort et tâcha de mettre son chagrin de côté autant qu'un chagrin éternel peut l'être par une personne qui pleure constamment. Elle n'avait nul espoir que son fardeau pût devenir léger. Sa seule prière était de pouvoir apprendre à le supporter mieux de jour en jour et d'utiliser une vie qui était sans valeur pour elle et pour les autres. Son existence reprit ainsi son ancien cours. Elle passait les matinées solitairement dans sa chambre, quelquefois à son piano, d'autres fois avec ses livres, et le plus souvent à son chevalet. Et là, ce dernier consolateur allégeait le fardeau de ses heures désolées et émoussait l'aiguillon de sa douleur. Dans l'après-midi, elle reprenait ses anciennes tournées parmi ses pauvres avec Dorothée et un chien du Mont-Saint-Bernard pour compagnon. Et c'était dans ces promenades de l'après-midi qu'elle sentait le plus durement la perte de son seul ami. Elle passait et repassait devant l'ermitage et regardait tristement les volets fermés. La grand-mère de Dorothée gardait et surveillait toujours le cottage solitaire. Mais par un étrange caprice, le locataire de Sir Gaspard n'avait pas abandonné sa location et s'était engagé à envoyer à l'agent du baronnet un mandat tous les 6 mois pour payer son loyer. « C'est une preuve qu'il entend revenir tôt ou tard, » disait le baronnet. Mais Marcia, en réfléchissant à ce fait, pensait qu'il était bien possible que Godfrey eût quelque vénération pour un lieu où il l'avait connu et aimé et qu'il souhaitât garder ce foyer béni pour le garantir de la présence des étrangers. « Si je voyageais au loin dans des pays sauvages, il me serait agréable de songer qu'il y a un lieu resté vide qui m'attend, quand bien même j'aurais dans le cœur la certitude que je n'y reviendrai jamais, » pensait-elle tristement. Et dans son imagination s'élevait une pâle vision de l'avenir. Elle voyait Godfrey revenir après plusieurs années, vieux, gris et fatigué, s'asseoir près de son ancien foyer, et regardait de sa vieille croisée les arbres qui étaient des taillis lorsque pour la première fois il les avait vus. Et il reviendrait à l'abbaye avec la pensée de la voir et apprendrait peut-être qu'elle était couchée depuis des années dans la voûte pratiquée sous le sanctuaire de l'église de Scarsdale, où si elle vivait, elle serait vieille et grise elle-même, et elle le rencontrerait peut-être quelque jour dans la clairière d'où ils avaient été chassés par l'orage, et elle le trouverait si changé que le chagrin passionné de ce temps-là paraîtrait aujourd'hui une chose dont on ne pourrait parler qu'avec un sourire incrédule. Nos cœurs meurent-ils réellement avant notre mort? Se demandait-elle avec étonnement. Ce doit être bien triste de se survivre à soi-même. Sir Gaspard était très disposé à se plaindre du départ de son locataire, et citait Voltaire et Diderot en s'étendant d'une manière alarmante sur ce sujet. J'aime cet homme et sa société, et je considère que c'est très grossier à cet homme de me tourner ainsi le dos. La vertu, dit Diderot, sous quelque face que nous la considérions, est le sacrifice de soi-même. Et sur ma parole, Marcia, je considère par une sorte comme un personnage très égoïste. Pendant quelque temps, le baronnet se lamenta sur son ami. Il était plus poli que d'ordinaire avec sa fille, il était cordial, même souvent affectueux. Mais chaque matin, Marcia devenait plus convaincue que quelque chose manquait à la complète satisfaction de son père. Il se fatiguait de l'écarter. Il bâillait tristement au beau milieu des passages les plus exquis que Beethoven ait jamais écrits. Il feuilletait continuellement les feuilles de son Saturday. Il cherchait querelle aux opinions du Times. Citait Voltaire pour prouver que les écrivains modernes ne sont que diffus et embrouillés. Réciter les sentences les plus fantasques de Hamlet, et trouvait des défauts de coloris dans son natif favori. Mademoiselle Denison avait une anxiété tout à fait désintéressée pour le bien-être de son père. Il le surveillait de près, mais elle ne pouvait trouver ni une cause ni un remède à son mécontentement. Un jour, cependant, l'énigme fut tout à coup éclaircie par le baronnet lui-même. « Merci, mon amour, » murmura-t-il nonchalamment, pendant que Martial jouait la dernière mesure d'une sonate. « C'est très mélodieux, vraiment. Vous exécutez certains passages remarquablement bien, mais je ne pense pas que dans le courant du morceau, votre jeu ait été tout à fait aussi égal qu'il l'a été souvent. Vous auriez besoin de quelqu'un pour jouer à quatre mains avec vous. Si nous demandions à la veuve de revenir passer une semaine ou deux avec nous, vous savez que nous lui avons fait prendre à 2000 l'engagement de revenir et plus tôt nous nous en débarrassons, et le mieux cela sera. » Sir Gaspard s'éclaircit la gorge en toussant un peu, regarda par-dessus le bord de son Times et examina timidement la figure de sa fille. Elle ne reçut pas du tout sa proposition avec ravissement. « Désirez-vous réellement que Madame Harding revienne, papa ? » demanda-t-elle étonnée. « Si je désire qu'elle revienne, ma chère Marcia, que voulez-vous que je fasse de cette veuve mondaine ? » s'écria le baronnet. « Mais nous l'avons invitée à venir cet automne, et l'ayant fait, naturellement, nous devons le lui rappeler. Noblesse oblige, vous le savez, mon amour. Une veuve mondaine pour l'automne peut être un ennui, mais nous l'avons invitée et nous sommes obligés de la recevoir. « L'automne, papa, » s'écria Marcia, « mais vous venez dire l'instant une semaine ou deux ?»« Sans aucun doute, ma chère, je veux dire une semaine ou deux. Mais parler de l'automne est une manière plus convenable et plus polie. Vous ne pouvez lui offrir l'hospitalité à la semaine comme une ration. Il faut écrire à Madame Harding demain et lui dire que l'automne approche et que nous attendons la visite qu'elle nous a promise. Pensez-vous, papa, qu'il soit nécessaire de lui écrire ? Si Madame Harding souhaite revenir, elle nous préviendra de son propre mouvement, comme elle l'a déjà fait. Et alors, nous aurons toute la fatigue de la recevoir sans avoir le mérite de l'avoir invitée. Ma chère Marcia, vous n'avez pas la moindre idée de la diplomatie. » Mademoiselle Denison resta silencieuse pendant quelques minutes, pendant lesquelles Sir Gaspard la regardait toujours par-dessus le bord de son journal, et alors elle dit gravement « Papa, la franche vérité est que je n'aime pas Madame Harding. Mon amour, vous ai-je jamais demandé de l'aimer ? Je vous prie simplement de remplir l'engagement que vous avez pris avec elle. Moi, papa, c'est vous qui lui avez demandé de revenir, et non moi, en vérité !» exclama le baronnet innocemment. « Lui ai-je demandé ? L'ai-je fait ?» Je pense que je me serais trouvé dans la conversation poussé à une espèce d'extrémité et obligé de lui dire quelque chose de poli. Marcia devint très pensive. Une lumière commençait à poindre faiblement dans son esprit. Une lumière qui lui faisait voir quelque chose de très désagréable. L'image de son père séduit et pris au piège par une aventurière avide et fausse. « Papa, » dit-elle après un court silence, « je ne pense pas que Madame Harding soit une bonne femme. » « Ni moi non plus, mon amour, » répondit Sir Gaspard promptement. « Je ne me permets pas de rien préjuger à ce sujet. Comment le pourrais-je ? Je n'ai jamais pu me former une opinion sur Mary Stuart, et j'en sais beaucoup plus sur elle que je n'en saurais jamais sur Madame Harding. Comme il est difficile d'avoir une opinion bien arrêtée sur quelqu'un. Il y a des gens qui ont appelé la reine Elisabeth une vilaine coquine. Il y a des gens qui ont juré par sa cousine et ont assuré que c'était une divinité persécutée. Toute la lumière jetée sur ce sujet par les historiens qui se contredisent n'est pas assez forte pour le faire voir à tous sous les mêmes couleurs. Comment puis-je savoir si Madame Harding est bonne ou méchante ? Je sais que ses robes sont faites par une couturière française et qu'elle est passée maîtresse dans la science de faire entrer des gants étroits. Je sais que sa voix est harmonieuse, qu'elle est agréable à voir et qu'elle ne néglige pas sa personne plus qu'elle ne fait frapper mes portes. Pour le reste, je ne sais rien et ne cherche à rien savoir. À quoi cela sert-il de raisonner sur les qualités morales d'une connaissance quand nous vivons dans un monde qui ne nous permet pas de connaître un John Howard ou un capitaine Coram s'il mange ses pois avec son couteau ? Il y avait quelques sujets que Martial n'avait jamais discutés avec son père, car elle le connaissait assez pour savoir qu'il était parfaitement inutile de discuter lorsque son propre agrément était intéressé dans la discussion. Si vous me dites d'écrire Madame Harding, je vous obéirai, papa, dit-elle, en étouffant à demi un soupir. Mais sa visite ne me fera aucun plaisir. Et j'aurais été bien aise de vous voir ouvrir vos portes à des connaissances plus respectables, les anciennes familles du comté. Les anciennes familles du comté viendraient en grande cérémonie et me feraient sortir de mon genre de vie. » répondit le baronnet d'un ton maussade. « Qu'ai-je de commun avec les anciennes familles de ce comté? Je ne chasse pas, et dans la plus belle chasse à cour que tous vos chasseurs pourraient organiser, mes sympathies seraient bien plutôt avec le renard qu'avec ces idiots qui se mettent en nage pour le poursuivre. Je ne suis amateur ni de chevaux ni de chiens. Je ne suis ni agriculteur ni philanthrope. Je sais à peine faire la différence entre un cheval de chasse aux jambes courtes de Galway et l'arabe le plus pur qui jamais bondit en liberté dans ses plaines natales. Je ne connais pas plus le labourage à l'aide des machines et le drainage très fond qu'un Islandais. Je ne connais rien de ce qui se rapporte aux habitations des classes ouvrières, excepté que, comme mes ouvriers ne s'intéressent pas à ma demeure et ne mettraient pas un clou à un châssis de fenêtre ou ne balayeraient pas une poignée de copeaux pour moi sans être payés de leur peine, ils peuvent à peine espérer que je m'intéresse à leur bien-être sans être payé aussi pour ma peine. Ainsi, vous voyez, Marcia, que les familles du comté et moi, nous serions mutuellement insupportables, et vous ne pouvez ouvrir complètement votre maison à des gens qui comprendront qu'ils sont un ennui collectif, sans risquer de les offenser. Avec Madame Harding, au contraire, je suis en sûreté. Cette femme sait se rendre agréable, et ce qui est encore mieux, elle connaît le moment où elle doit le faire, et celui où elle ne le doit pas. Il n'y a pas de femme plus fascinatrice que celle qui s'aperçoit quand elle peut être incommode. Ainsi, je pense, ma chère, que vous ferez bien écrire demain à la veuve, comme vous en avez l'intention, finit par conclure Sir Gaspard, en cachant adroitement sa tête derrière le Times et en évitant de rencontrer les regards de sa fille. Marcia écrivit l'odieuse lettre avec autant de complaisance que si elle eût été un enfant, mais elle était froidement rédigée. « Papa me prie de vous rappeler que vous avez l'intention de venir nous faire une visite cet automne. Papa sera très heureux de vous voir si vos projets vous permettent de vous rendre auprès de nous. » Et toute la lettre continuait sur ce ton. Elle ne comptait pas un seul mot d'amitié venant de Marcia, nulle allusion au plaisir qu'elle éprouverait de la visite de la dame. Mademoiselle Denison ne pouvait oublier que la veuve avait calomnié Godfrey, et elle ne pouvait oublier ses vagues diffamations. Maintenant qu'elle connaissait l'histoire de sa vie, elle se demandait comment cette femme l'avait connue. Le récit de sa jeunesse était l'histoire d'une vie passée loin du monde. Il ne faisait mention d'aucun ami, ni même d'une simple connaissance. Comment Madame Harding pouvait-elle avoir rencontré ce mercenaire littéraire, travaillant dur, dont les jours s'étaient passés dans la solitude de son petit logement? Marcia finit par conclure que la connaissance de la veuve avec Pierpoint pouvait s'être faite par sa belle-sœur Léonora Fane, et qu'elle avait été au nombre des personnes qui était venu rendre visite à Madame Fane au cottage de Camberwell. Comme ami de Madame Fane, il était très probable que Madame Harding avait entendu calomnier et mépriser Godfrey, puisque la seule manière possible qu'elle eût de se défendre était de noircir le caractère de son mari. Mais comment cette explication pouvait-elle s'accorder avec l'apparente émotion de la veuve lorsqu'elle avait reconnu Godfrey? Cette question embarrassait Mademoiselle Denison. Mais alors elle commença à penser qu'il était très possible qu'elle se fût trompée sur les manières de Madame Harding. Ce fut vers la fin d'août que Mademoiselle Denison écrivit à la Circé qui était parvenue à rendre sa société nécessaire à Sir Gaspard. Et une semaine ne s'était pas écoulée qu'elle reçut la réponse de la veuve qui lui disait qu'elle avait d'autres projets pour l'automne, mais que puisque Sir Gaspard était assez bon pour lui rappeler la demi-promesse qu'elle lui avait faite de revenir le voir, et qu'il n'y avait aucune maison dans laquelle elle fût aussi heureuse que dans la chère antique abbaye, et nulle société aussi profitable et aussi intelligente que celle de son cher Sir Gaspard, elle laisserait de côté tous les autres engagements et suivrait sa propre inclination qui la portait à retourner à Scarsdale. Marcia soupira, entendant l'épître de la veuve à son père. « Ne voyez-vous pas, papa, que c'est une lettre perfide ? » dit-elle, presque avec impatience. « Elle est composée de phrases de convention, aussi artificielles que sans signification, comme si elles avaient été copiées dans un manuel complet de modèles de lettres. » « Cela est vrai, ma chère, » répondit le baronnet avec une parfaite bonne humeur. Madame Harding est affectée. Madame Harding est artificielle. Pensez-vous que si elle ne l'était pas, je vous eusse poussé à l'inviter ici? S'il était original, je n'aurais rien à faire d'elle, car l'originalité n'est que le nom adouci de l'excentricité. Je suppose que Ponsford a des prétentions à l'originalité, et voyez sa conduite. Qu'est-ce qui peut être plus égoïste et plus déplaisant que son départ au moment où j'avais le plus besoin de sa société? Ne vous ensevelissez pas dans ce chrome quand je vous parle, je vous en prie, Marcia. C'est un joli petit morceau, je le sais, mais vous pouvez vous y enterrer dans une occasion plus convenable. J'étais en train de remarquer que le savoir-vivre est une qualité très désirable dans une connaissance, et que la lettre de Madame Harding est extrêmement aimable. Si cher Gaspard, en 2 pages. Mais je suppose qu'à sa place, votre candide personne m'eût appelé cette brute de Sir Gaspard, ou votre absurde vieux père, ou le papa, ou ce personnage entre 2 âges, ou quelque chose d'aussi injurieux.